Bienvenue à cet atelier débat autour du thème urgence et convivialité qui nous réunit tous aujourd'hui. Donc, ce thème a été choisi par la revue Esperluette pour son numéro 01. Donc en deux mots, si vous ne connaissez pas la revue, c'est une revue critique d'architecture et de culture qui a vu le jour en février 2019 et avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour ces ateliers. Donc pour revenir au thème urgence et convivialité, urgence on comprend bien, ça peut être des urgences environnementales, sociales, sanitaires, etc. Et convivialité redéfinie au sens d'un ouvrage d'Ivan Illich qui date de l'année 1973. Donc Ivan Illich était visionnaire et il nous dit que si nous continuons d'être dans ces hauts moments de consumérisme, nous allons droit à la catastrophe. Donc il nous propose dès cette année-là d'arriver à quelque chose où il parle de frugalité, de décroissance, d'autolimitation. Et en tout cas, il annonce un changement nécessaire pour éviter la catastrophe vers laquelle nous nous dirigeons. Donc j'ai apporté avec moi des différents magazines pour vous montrer à quel point ce thème urgence et convivialité est au cœur de l'actualité en ce moment. Donc dans celui-ci, qui date de février 2019, il y a un rapport du GIEC, donc c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, et qui nous dit que si nous continuons sur cette lancée, il n'est pas possible qu'en 2100, nous ayons gagné dramatiquement 4 degrés. Et ces 4 degrés, ce serait à tous les niveaux une catastrophe, et qui rendrait l'essentiel de la planète inhabitable. Donc je vais vous lire un court extrait. Le gouvernement est-il aveugle de cette urgence ? Officiellement non. Le Premier ministre, Édouard Philippe, se dit inspiré par la lecture d'Effondrement de Jared Diamond, qui est paru en 2005 et qui expose comment les sociétés ont pu s'autodétruire. Donc en fait, on se rend bien compte que notre Premier ministre, il est sensible à cette notion d'urgence et de convivialité qu'énonçait Ivan Illich à ce moment-là. Bien évidemment, il y a énormément de références dans le milieu économique. J'en ai pas mal avec moi, je ne vais peut-être pas toutes vous les dire, mais notre prix Nobel d'économie de cette année, Jean Tirole, il parle de l'économie qui est à mettre au service des hommes et non l'inverse. Et il est temps que les entreprises se soucient de leur rentabilité, mais se soucient également de leur environnement, y compris de l'écologie. Donc on se rend bien compte que même dans le milieu économique, ces économistes-là cherchent à trouver un nouveau paradigme et des nouvelles solutions à ce capitalisme devenu fou. Après, il y a beaucoup de notions différentes proposées par un tas d'économistes, notamment dans le milieu anglo-saxon. On parle du care et on le définit comme c'est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde pour que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Donc, elle parle également, c'est Joanne Tronto, elle parle également de prendre soin de nous-mêmes. Donc en fait, on se rend compte que c'est presque un symbole, comment nous prenons soin de notre santé, de notre manière de nous nourrir, de nous habiller, de nous soigner, et comment nous pouvons à partir de là prendre soin du bien commun qu'est notre planète, pour qu'elle reste habitable et pour que nos enfants et petits-enfants puissent continuer à y vivre. Voilà, je pense m'arrêter là, j'ai encore beaucoup de références aux besoins au cours de la discussion. On peut revenir du coup à ces deux mots, urgence et convivialité. Donc urgence, comme on peut l'entendre, comme vous voulez l'entendre, environnementale bien évidemment, mais également sociétale et sanitaire, etc. Et convivialité, comment pouvons-nous coopérer les uns avec les autres, vivre un autre être ensemble et un autre être ensemble au monde, pour que nous n'allions pas à l'apocalypse qui, pour les scientifiques, n'est plus de l'ordre de l'imaginaire. Donc je vous propose pour la discussion de commencer à parler comme vous le sentez, comme une discussion conviviale et dans un cadre ouvert. Donc tous les avis sont les bienvenus, bien évidemment. Peut-être quand vous commencez à parler, prendre la parole, juste dire votre nom et si vous le souhaitez, dire ce que vous faites dans la vie, si vous en avez envie, et juste attendre que la personne ait fini de parler pour prendre la parole ensuite. Okay. Puis on va voir comment la discussion évolue au fil du débat. Moi je vais bien démarrer. Je m'appelle Elia, donc je suis la représentante de la revue Esperluette pour cette réunion parce que j'ai travaillé sur le projet au semestre dernier avec Roman et on a lancé le numéro 0 ensemble et je suis donc étudiante en architecture mais je pense que vous le savez tous. Donc ce que je trouve intéressant dans le thème de ce numéro, c'est la notion de convivialité dans le sens où en gros on met en rapport une crise globale avec des initiatives qui partent d'en bas en fait. C'est des initiatives qui partent de gens qui se mettent ensemble, qui coopèrent ensemble, qui trouvent des solutions, qui créent des projets qui sont à différentes échelles, qui ont différents impacts, mais c'est vraiment des choses où chacun fait sa part pour répondre à cette urgence d'action. Et ce qui est assez positif, je pense, qui va ressortir d'assez positif dans le prochain numéro, c'est vraiment qu'on va peut-être avoir une idée des initiatives en cours, au moins à l'échelle française et j'espère à l'échelle des étudiants qui vont participer, comment ils se mettent en route en fait pour répondre à l'urgence. Donc, par exemple, je sais que Clovis, par exemple, toi, tu vas faire des manifestations et tu vas dans la rue et tu t'engages dans la culture occitane et tout ça pour garder en gros cette convivialité locale. Et je trouve que ça, c'est déjà un engagement qui est vraiment énorme à l'échelle d'une personne. Ça demande vraiment beaucoup de temps et de choses comme ça. Et je pense que ce qui peut être intéressant et tout ça, c'est de savoir quelles sont les solutions en fait, quelles sont les petites initiatives qui existent et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire ça à part du truc. Donc par exemple avec la revue, l'idée c'est de diffuser et de créer un réseau de personnes qui ont une voix un peu alternative à ce qu'on trouve dans les médias traditionnels et indépendante des directions d'école ou des directions politiques locales et tout ça. C'est pas trop un bien de plus. Est-ce que vous voulez rebondir? Déjà, qu'est-ce que c'est que... comme tu dis, de coopérer, qu'est-ce que c'est que ça, comment ça se passe, à quelle échelle c'est? Je pense que c'est surtout une question d'échelle, j'ai l'impression. Est-ce que c'est coopérer à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle de son habitation, de sa cellule d'habitation, de l'immeuble, de la ville, du pays, ou peut-être même de l'Europe? Est-ce qu'il y a quelque chose, des initiatives qui peuvent se créer et comment on veut coopérer? Est-ce qu'on va attendre que cela vienne d'ailleurs, que cela vienne de l'international, des gouvernements? Ou est-ce qu'on va prendre cette responsabilité-là et oui, je pense que c'est important de savoir quelle est notre responsabilité là-dedans et qu'est-ce qu'on va en faire si on... Moi, je veux bien parler de ça. Moi, c'est Clovis. J'ai fait des études d'écologie et de géographie. Et je me sens particulièrement concerné par le sujet. Je trouve que c'était assez intéressant, justement, ce thème. Parce que l'urgence, en fait, c'est pas un truc nouveau, ça fait des décennies qu'on entend parler. Et le problème, c'est que les gens s'en rendent compte, en fait, mais il n'y a pas vraiment d'action qui est faite pour ça. Et j'ai l'impression que les gens veulent tout le temps attendre quelque chose qui vienne d'en haut, qu'on leur dise quoi faire. Et pour moi, c'est vraiment un truc qui commence par l'individu, vraiment que ça parte du bas. Et... ouais, pour moi, chaque personne a une chose à faire à son échelle propre et c'est quelque chose qui peut être assez compliqué de mettre en place soi-même. C'est pour ça que c'est plus facile d'en parler, de vraiment lancer le débat et créer une sorte de solidarité pour que les gens se disent « Ok, jusqu'à présent, on a suivi les gouvernements, ça n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour que ça impacte le monde entier ?» Et c'est ça qui est intéressant, c'est de redécouvrir aussi la communication entre les personnes et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, étant donné que si on attend que d'autres personnes le fassent, rien ne se passera. En fait, je trouve ce qui est intéressant, c'est cette idée de coexister en fait avec les autres. C'est que non seulement il y a une crise qui est réelle et qui est à différents niveaux et à différentes échelles, mais l'enjeu, c'est vraiment comment on va faire pour coexister avec l'autre et comment on va faire pour construire ensemble quelque chose de positif. Là, ce que tu dis, ce qui semble vraiment pertinent, c'est l'idée de créer un truc qui apporte de l'espoir, en fait. Que si on commence une discussion ici, on va pouvoir en parler plus tard à des amis et peut-être ça va leur donner envie d'avoir un espace d'expression. Et du coup, ils vont pouvoir en parler autour d'eux et ça va générer du positif, en fait. Ça va générer et de la parole positive et peut-être des actions au mieux. Pour que ça change. Et je pense que c'est vraiment le... Ouais, c'est ça, en fait, qui manque, c'est la communication. Et si on recommence à parler, à discuter, on peut trouver des solutions, alors que il n'y en a pas vraiment qui sortent d'elles-mêmes. On ne peut pas se fier non plus à certaines informations. Et faut commencer à s'informer soi-même et proposer des nouvelles solutions. On peut créer tant de choses qui n'existent pas encore. Pas la main. En fait, c'est vrai que dans ce genre de circonstances, on a tendance à il faut qu'on agisse à plusieurs échelles. D'abord à l'échelle la plus basse, quoi, nous, chacun son quartier de jeu. Mais comme tu as dit aussi, chacun a un rôle à jouer dans chaque échelle, en fait. Il faut que ça commence là, mais il faut que de manière plus globale et plus dans des décisions plus politiques, il y ait des choses qui soient aussi. En fait, quand j'étais au Cambodge, j'ai un débat un peu comme ça, en fait, sur à peu près le même sujet. En fait, quand on en parle là, ça me rappelle, c'était une jeune économiste, une mère, qui avait décidé de travailler, en fait, d'orienter complètement tous ses travaux sur la bioéconomie, donc pour les travaux de l'économie verte. En fait, elle expliquait que l'économie, c'est quoi ? C'est penser au rendement d'abord et voir après le reste, les dégâts et comment réparer ce qu'on a causé au début. C'est l'argent d'abord. Et là, l'idée de la bioéconomie, donc là, on est plutôt à l'échelle d'un pays, d'une société, c'est de penser à faire du rendement mais de manière positive, c'est apporter quelque chose, ne pas détériorer quelque chose, d'avoir l'environnement, c'est faire une économie durable. Donc après, cette économie, elle impacte beaucoup de thèmes comme l'éducation, l'écologie, l'énergie, l'environnement, la santé, l'information, le tourisme, la communication. Enfin, c'est vraiment à une échelle du monde. Et c'est bien qu'on se rende compte qu'il y a des choix à faire sur une échelle large, avec des choix politiques. C'est hyper difficile à le faire parce que forcément, pas tous les pays se mettent d'accord. Si on, par exemple, on va aux États-Unis, là-bas, il croit encore qu'il n'y a pas le réchauffement climatique. Ça dépend de la culture, du seuil de pauvreté du pays, etc. Mais c'est bien de se dire que dans la formation des villes ou dans l'évolution des villes de demain, de penser à cette économie verte. Et aussi, du coup, cueillir des actions à plusieurs niveaux. En bas, que chacun fasse quelque chose, que ne pas croire que trier ça ne fera pas changer les choses, il faut qu'il y ait des actions à toutes les échelles. Et du coup, désolée Chloé, c'est un peu excluant, mais en même temps tu peux aussi répondre, mais qu'est-ce que vous pensez qu'en tant qu'architecte, on peut faire agir sur les urgences d'aujourd'hui, quoi. Moi, je pense qu'en tant qu'architecte, le domaine, ce qu'on peut faire, c'est juste communiquer des idées. Enfin, principalement, je pense qu'on a un rôle dans la communication. Je pense que le rôle d'un architecte, c'est beaucoup la communication. C'est que tu arrives à soulever des problématiques ou à prendre en compte les avis de tout le monde et justement se rendre compte d'un problème commun. Et là, tu vas pouvoir proposer des idées et pouvoir faire évoluer les choses. L'avantage de l'architecte, c'est qu'il est un peu polyvalent. On nous apprend un peu à réfléchir beaucoup, à être critique, à analyser et surtout à ne pas que se concentrer sur un truc, mais plutôt avoir plus globalement. C'est avoir des notions un peu en tout un peu en ingénierie, un peu en archi, un peu en construction, un peu en design, un peu en tout en fait, pour pouvoir faire une synthèse un peu de tout ça et d'être critique sur le tout. Et déjà cet aspect-là, ça peut être quand même bénéfique. Et après, bah, y a l'aspect quand même... c'est un peu nous qui bâtissons les villes, entre guillemets, on va dire, de demain. C'est nous qui bâtissons... ouais, c'est ça la ville, notre environnement en quelque sorte. Et donc c'est un peu à nous de bien d'essayer de pas de réparer mais de faire mieux à chaque fois pour l'avenir. Ouais, mais tu vois, moi j'ai l'impression que c'est plein. Je suis d'accord avec toi sur le côté responsabilité. C'est-à-dire que vu que. Après on est soumis, c'est vrai. Mais vu qu'on est responsable du bâtiment, on est aussi responsable de ses impacts sociologiques, écologiques et tout ça. Mais j'ai l'impression que. Par exemple, ma marge de manœuvre en tant qu'architecte, c'est plutôt au service de qui je vais exercer, au service de qui je vais mettre mes capacités techniques et mes connaissances et mes compétences professionnelles et quel projet je vais pouvoir soutenir. Et je pense qu'il y a effectivement le côté qu'on a tout un panel de compétences qui nous permet d'avoir un esprit critique, mais plus encore comment on peut agir, enfin, tu vois, vraiment dans le... Après, notre marge de, pas de manœuvre, mais de ce qu'on peut faire, c'est pas quelque chose de directement très significatif, ça se fait à une grandeur. Sur un laps de temps très très long, c'est à chaque fois une petite touche par-ci, par-là, un projet. C'est pas immédiatement, on va pas changer une ville, une personne, nous. Oui, oui, c'est juste à l'échelle de la ville. Je pense que nous, en tant qu'architectes, on a le devoir de bâtir quelque chose, mais pour une autre personne. Après, c'est à nous d'avoir notre conscience en tant que professionnel, notre conscience architecturale, et d'avoir nos convictions et de les appliquer à tous les projets qu'on fait. De se dire, voilà, moi, ma conscience, c'est de faire des projets comme ça. Donc, peu importe les clients, j'imposerai ça, et s'ils ne le veulent pas, ils iront voir quelqu'un d'autre. Et donc, de faire ce genre de petits changements au fur et à mesure. Et si chaque architecte le fait de son côté, au bout d'un moment, ça engendrera un changement au fur et à mesure. Ça, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir la responsabilité de réparer ce qui ne va pas. En fait, moi, je pense pas que notre rôle, c'est de réparer ou de proposer quelque chose qui va tout de suite marcher. Je pense qu'on a notre concept, on sait ce qu'on veut véhiculer, donc on va le mettre en place. Et après, moi, je vois ça plus comme un problème de société. C'est est-ce que les gens vont suivre, est-ce que les gens vont vouloir s'investir et pour perpétuer cette idée et pour pas justement détériorer les choses, détériorer l'environnement. Donc pour moi c'est plus une communication entre tout le monde, que chacun ait cette responsabilité, cette conscience. Nous c'est juste, je pense, voilà, communiquer une idée, véhiculer quelque chose et les gens prennent part à ça au moins. Mais... Oui, donc c'est plutôt sur l'apprentissage en fait. Oui. Je pense que ça passe plus par l'éducation globale que... Moi je pense que les gens ils suivraient justement... En fait, il y a un truc dont on parle pas souvent dans la vie en général, c'est le côté esthétique. On a perdu vachement de trucs, on voit les grands boulevards sans fin, les trucs en béton identiques et tout. Et c'est quelque chose de vachement important dans la vie collective aussi, qu'on a un peu perdu. Et c'est dans ça aussi que les architectes peuvent mener leur pierre à l'édifice, c'est de restaurer une certaine esthétique dans la vie. Je pense que ça peut faire avancer le truc aussi. Montrer la voie vers quelque chose de plus durable. Bah oui, mais tu vois, hein, la ville, c'est un peu le miroir de la société. Ouais. Voilà, la manière dont on dessine les bâtiments, la manière dont on dessine les villes et tout ça, c'est clairement une projection du monde et de la culture dans laquelle on est. Donc, ce qui est difficile, c'est de se dire pourquoi est-ce que les bâtiments qu'on dessine aujourd'hui, les villes qu'on dessine aujourd'hui, elles ne sont pas décrites de genre de rapports sociaux positifs, par exemple, d'égalité, d'équité et tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression que travailler dans le système traditionnel en gros, et ben, c'est un peu bloqué quoi, et que peut-être qu'il faut vraiment essayer de s'attaquer à travailler avec des projets particuliers qui même ponctuellement, comme par exemple à Montpellier, il y a quand même beaucoup des lieux un peu particuliers qui permettent, il y a du gaz à café par exemple, qui permettent de s'exprimer, il y a la fenêtre dans des interventions un peu spéciales. Donc, maintenant il y a la proposition qui va être là pour une dizaine d'années qui permet de ramener pas mal de culture en fait, d'émulation de culture et tout ça. Donc, il me semble que effectivement les espaces de convivialité, c'est ça qui va permettre de répondre problématiques qui s'imposent. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que c'est pas rapidement qu'on va régler les problèmes. Enfin, c'est pas en une discussion qu'on va pouvoir refaire le monde et tout ça, et ça prend du temps. Et c'est pour ça que le caractère urgent des événements qui se passent, en fait, il est presque. Ça donne presque envie de ne rien faire du tout. Et je pense que la plupart des gens, ils disent, bah, de toute manière, c'est inéluctable. Ouais. Ça vaut pas le coup de s'y pencher, quoi. Donc, effectivement, autant dans la manière de concevoir et de construire que dans comment agir, il faut essayer de peut-être de dépasser cette espèce de frein général qui est juste bah, rien à faire quoi. Et il faut prendre le temps de justement de discuter, de projeter, de faire ensemble. En fait, c'est problématique parce qu'on pense beaucoup individuellement et personne n'a le courage de lancer le truc pour essayer de faire d'avancer les choses. Et c'est vrai que c'est ce genre d'espace qui fait qu'il y a des discussions et qu'il se passe des choses, que des gens extérieurs viennent pour vouloir s'informer, vouloir discuter, et c'est comme ça que des projets se montent et des initiatives. Donc après, peut-être que... Je sais pas. Après, heureusement que c'est des lieux qui commencent à être de plus en plus présents, donc ça permet de faire bouger les choses, notamment par rapport à ce thème-là, mais... D'après ce que tu dis, moi ça me fait aussi beaucoup penser à... C'est qu'aujourd'hui, on pense beaucoup individualiste aussi. On a moins la pensée collective. Et ça, c'est un truc qui nous porte beaucoup préjudice. C'est qu'on pense plus du tout collectif maintenant. Et ce qui fait qu'on a moins cette envie de changer les choses, moins cette envie de participer, de changer les choses, parce qu'on pense un peu à notre bulle. On est enfermé dans notre quotidien, notre travail, notre vie, quoi, notre vie de famille ou je sais pas, et du coup on a pas tout le monde à se motiver à faire des choses, les autres en fait tout simplement, et ça c'est quand même quelque chose d'important dans ce genre de projet ou n'importe quoi en fait. Ce que tu disais tout à l'heure sur ton voyage c'était au Cambodge, c'est ça, et la conférence que t'as eue avec la Green Economy. Ça me questionne surtout sur nos cultures. Est-ce qu'il y a des cultures qui sont plus ouvertes à ça? Est-ce qu'il y a des cultures qui sont plus dans le côté communautaire ou c'est plus dans l'entraide? Est-ce que... Par exemple, quand tu vas n'importe quoi au Danemark, ouais, ou en Norvège, tu vois bien que là-bas, ils ont la pensée beaucoup plus collective, beaucoup plus ouverte à faire de... Comment dire, leur manière de faire leur société, quoi. Ils sont beaucoup plus participatifs dans la ville, dans la communauté. Ils sont plus verts, ils ont une économie beaucoup plus verte aussi, je pense. Et alors que si par exemple, comme je disais tout à l'heure, tu vas aux États-Unis, c'est un peu mal parti pour essayer de faire des changements, disons, au niveau politique, on va dire. Après, peut-être au niveau social, c'est un peu différent, mais... Et je pense qu'il y a des communautés ou des cultures qui sont plus ouvertes que d'autres. À ce sujet, moi j'ai écrit mon mémoire sur les bains publics en Suède. Et en fait, au fil de la recherche et tout ça, je me suis rendu compte à quel point ils ont une culture de la mise en commun qui est complètement exclue en France. Tout ce qui est en termes d'eau et d'énergie, c'est mis en commun. C'est-à-dire que chaque immeuble d'habitation collective, il va avoir et la... de l'informatique commun, le chauffage commun, tout est collectif, il n'y a jamais de système individuel quand il s'agit de dépenser de l'énergie. Et même, c'est vraiment un exemple un peu trivial, mais ça montre bien à quel point c'est très inclinant. Enfin, quand je faisais la vaisselle avec mon colocataire qui était finlandais, il disait, mais tu dépenses trop d'eau, quoi. Et j'étais là, je fais comme je veux. Et là, mais en fait, non. C'est tout l'immeuble qui paye pour l'autre. Ouais. On fait tous un effort pour pas avoir le courant, par exemple, avoir des bacs d'eau et ce genre de trucs. Et c'est vrai que en France, ça se développe de plus en plus, mais c'est vraiment une question d'éducation en fait. Et je pense que peut-être que parce que les gens qui habitent plutôt dans le nord, il y a beaucoup moins de population, ils ont beaucoup plus accès facilement à la nature, à des grands espaces, à des endroits où il y a justement des perspectives d'infini et tout ça, et ben ils sont beaucoup plus conscients de la valeur des espaces naturels. Et nous, on habite dans des villes qui sont super denses. Quand on va à la plage, c'est artificiel. Quand on va à la campagne, il y a des maisons tous les 15 km. Enfin, quand tu vas en Suède, il n'y a pas une habitation pendant. Enfin, c'est comme des déserts de glace, quoi. Et je pense que ça apporte une espèce de conscience environnementale et une conscience de se regarder le vivant qui n'est absolument pas présente ici. Et c'est compréhensible. Et donc, notre manière d'aborder le truc, il faut quand même qu'on prenne en compte notre sensorialité par rapport à tout ça et notre manière de percevoir les choses. On ne peut pas ni imposer des modèles, ni demander à des gens de produire des choses qui leur correspondent pas. Et ce que je trouve intéressant dans les initiatives montpelliéraines, par exemple, c'est que ça vient des particuliers, ça vient des privés. Enfin, là, à Tourisme, il y a eu un petit financement de la ville, mais au final, c'est la coopérative. Je me souviens plus maintenant. Si, Macadam, là, je sais pas, Illusion Macadam, oui. qui s'est emparé du truc et qui a gagné le projet et qui a lancé le truc. Enfin, je trouve que c'est ça qui compte, c'est comment, avec notre propre culture et notre propre sensibilité, notre propre rapport en fait à la réalité et au monde, comment on peut faire des projets qui répondent à notre manière de vivre et qui sont quand même engagés pour. Après, on voit qu'à chaque fois, suivant les pays ou les cultures, il y a toujours un contexte et il faut toujours remettre dans le contexte. On ne peut pas faire le même nombre ou le même type de changement en France, par exemple, plutôt qu'en Afrique ou en Asie. Les cultures sont différentes, les contextes économiques et sociaux sont différents. Et il y a certes des changements qui sont possibles, comme par exemple au Cambodge. Il y a des changements qui sont possibles, mais l'échelle ou les acteurs, ce ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays ou dans d'autres cultures. C'est pas cher. Il faut à chaque fois remettre un peu dans le contexte. Mais je trouve que juste en parlant de conscience propre et personnelle, c'est vraiment, comme tu dis, c'est l'environnement, maintenant que tu dis, j'y pense, qui influe, je trouve, la conscience des gens. Enfin, je sais que, je donne la réunion, et là-bas, c'est vrai que mes parents, au quotidien, ils sont là, Julie, fais attention, n'utilise pas trop d'eau, ne gaspille pas, pense à demain, à l'électricité, attention, fais attention à tout ça. Alors que là, c'est vrai que quand je déménage et que j'arrive à Montpellier, dans un contexte urbain, c'est bien qu'il y ait des initiatives qui se montent, mais c'est vrai qu'on a moins cette conscience et on pense quand même un peu moins. C'est après, oui, c'est l'éducation, c'est ce que j'ai eu, je vais faire attention, mais c'est beaucoup plus flou, enfin je fais quand même moins attention qu'à La Réunion où là mes parents au quotidien ils te le disent et je pense que l'environnement naturel quand on voit la savane qui va prendre feu ou on voit la sécheresse, on se dit que là peut-être que tu devrais faire attention parce qu'on voit que ça va mal. Oui c'est ça en fait, quand tu es témoin de quelque chose, tu as tendance à réagir. Et ce qui est difficile en France particulièrement c'est que les médias classiques ils font pas grand chose en fait. Faut le dire, on n'a pas beaucoup d'informations, que ce soit sur les problèmes d'environnement, les problèmes de violence policière, les problèmes de violence. En fait, c'est vraiment très, très lissé et policé. C'est aussi notre culture de l'information qui est vraiment très, très peu engagée. En fait. C'est le journaliste qui s'engage par rapport à ce que son journal propose comme ligne éditoriale et c'est difficile. Et du coup, c'est d'autant plus important que les initiatives populaires, en fait, et qu'il y ait des choses qui soient alternatives et qui permettent d'avoir des informations, des biais d'informations un peu parallèles. Et c'est pareil, je pense que c'est pareil pour les projets d'architecture. Mais je trouve qu'on en revient à l'individualisme finalement, c'est que. On est dans notre quotidien, on ne va pas communiquer avec les autres, donc on ne va pas savoir ce qui se passe ailleurs, on ne va pas savoir spécialement dans les autres pays. Ah oui, c'est vrai que eux, c'est la sécheresse, c'est vrai, il y a un vrai problème, il y a le réchauffement climatique, c'est la merde, on va dire. On ne va pas en parler parce qu'on est tous confinés dans notre quotidien et c'est assez problématique. Je pense que c'est ça le point finalement. On est carrément déconnectés aussi. Hein. Oui. On est dans un pays qui se porte bien parce que justement ça se porte mal ailleurs. Oui. L'économie elle fonctionne bien ici parce qu'il y a des ressources qui sont prises ailleurs. Et c'est un peu comme si les gens, certaines personnes le savaient mais ne voulaient pas en parler parce que ça se remet en question aussi. Pourquoi ici on vit bien et autre part ça marche pas du tout? Pourquoi il y a autant de pauvres dans la rue? Parce que faut voir que ça fonctionne pas trop en fait. Là, et... En fait ça marche pas, ouais. Conclusion, le système est pourri. Et en fait, quand on enlève un peu les failleurs, on voit très bien que rien ne fonctionne et il faut voir soi-même ce qui est à faire et pas attendre. Oui, je pense que genre individuellement, on a tous une personnalité plus ou moins capable de gérer une situation de crise, par exemple, ou pas. Et c'est pour ça que avoir des compétences un peu techniques, ça peut nous permettre d'agir sur des choses. Je pense qu'on n'est pas tous capables, par exemple, d'aller dans la rue, aider des gens qui sont SDF, ou genre, on n'est pas tous capables d'aller manifester, on n'est pas tous capables de s'engager techniquement. Et c'est normal, en fait. C'est un peu chacun qui a son rôle. Dans la société et je pense qu'il y a vraiment un truc à... Enfin, faut que chacun recherche en quoi il peut être utile et à quel moment il doit agir et comment il peut agir pour que ce soit porteur de solutions et que ça permette aux gens de travailler ensemble. Et pour les mots, vous dites quoi? Vous entendez? Ça va là-bas? Ouais, j'ai un peu du mal à entendre moi. Mais vous voulez qu'on se resserre? Ou la proximité. J'entends rien. Aussi changé. Je pense que ça va beaucoup plus. Bien. Mais tu oui, déjà, oui, j'entends, mais je comprends pas. Ah. Si vous voulez, on peut changer. Et de place ouais, oui, vous pouvez prendre retourner. Un peu la place dans la discussion. Après, vous voulez changer de place pour. On peut tourner, hein. La chaise musicale. Oui, il y a une place là. Il y a une place là aussi, comme vous le souhaitez. Vas-y, on va voir. Vous avez envie? Mais pour nous, on va crier de loin. Allez-y, je ne sais pas vous. Ça va, nouveau? Merci d'être venu. Ça va? Ça va. Ça sent bon, bon, je reste pour prendre des notes. Allez. Elle est la petite Agnès là-bas. Il y a deux places. Ah oui, il y a deux places. Tu peux rester, hein. Ah bon? Il y a la place du centre. Ah, il y a ici là encore. C'était quoi en fait C'était quoi? En deux mots, on parle d'urgence et de convivialité. Ouais. Donc, c'est de savoir. Attends, je vais reprendre ça. C'est. Les pierres. C'est de voir en fait comment en étant ensemble on peut pallier l'urgence environnementale par exemple ou l'urgence sociale. Comment est-ce que ensemble, en faisant des actions tous ensemble, comment autrement est-ce qu'on peut on peut arriver à pas aller droit dans la catastrophe dans laquelle on est en train d'aller actuellement. Enfin, avec la crise économique, la crise écologique puis la crise démographique nous attend prochainement. Oui, c'est ça. Comment est-ce que aujourd'hui est-ce qu'on peut créer des choses ensemble, des petites actions au sein de ce que je disais, au sein de l'habitation, au sein de la ville, au sein d'un pays, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se créer, des initiatives pour éviter d'aller à la catastrophe? Est-ce qu'il y a des... par exemple, certaines villes, elles proposent des potagers de rue. Est-ce que c'est pas quelque chose, une initiative que, à notre échelle, on pourrait proposer enfin, quelle est notre part de responsabilité? Est-ce qu'on va être là à attendre que ça se passe autour de nous, à attendre au niveau international que les choses changent, à attendre que les gouvernements prennent des initiatives, ou est-ce qu'on peut aller de l'avant et nous proposer des choses? Et c'est toute cette question-là. Et il y a aussi la question de la culture qui s'est posée tout à l'heure. Est-ce que c'est un problème qui peut aussi venir de notre culture, par exemple en France, ou culture européenne d'Europe de l'Ouest? Et est-ce que dans notre culture, c'est des choses qui se font plus facilement, cette coopération et cette convivialité-là? Ok. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Qu'est-ce que vous avez écrit? Par exemple, on a parlé aussi du contexte dans lequel on était, quand on est dans un contexte urbain comme ici, et quand on est par exemple dans un pays du Nord comme la Norvège, qui va être très végétal. Avec des grands paysages, des grands de la démographie, moi un peu. Voilà, la réunion encore, tout ça. Est-ce qu'on est plus sensible à la question environnementale quand on est dans ces espaces-là, quand on les voit, ou est-ce que on peut quand même se rendre compte quand on est dans un milieu urbain comme à Montpellier, comme à Istanbul, tu vois, est-ce qu'on est quand même conscient de tout ça? Ou est-ce que... Je pense qu'il y a tellement de superflu dans les contextes urbains qu'au final, instinctivement, l'humain, il va plus se tourner sur ses besoins personnels et primaires plutôt que le reste, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à gérer, je pense, dans les Norvège, même dans des zones où en fait il y a une sorte de genre où les gens sont en alerte dans le sens où ils sont dans un environnement qui va être un peu plus hostile. Justement, la part de la nature va être moins présente, ou s'il y a vraiment des catastrophes économiques ou des choses, ils vont être plus alertes plutôt à ce qui se passe autour d'eux, plutôt que vraiment à se focus sur leur personne. Je pense que ça vient vraiment du contexte environnemental, de là où on se situe, du pourcentage d'urbanisation. Voilà, si on est dans une zone où tout est acquis, où il y a une sorte de confort installé. Mais la question qui... Enfin, le but de cet échange, je vais recentrer un peu le débat, c'est la question de la convivialité. Mm-hmm. Donc pas forcément dans le côté moralisateur, c'est de voir un peu quelque chose de positif et de voir comment est-ce qu'on peut aller vers des initiatives collectives au sein... est-ce que c'est vraiment son avis, est-ce que c'est pays, et comment est-ce qu'on peut s'organiser, est-ce qu'il y a des initiatives ou peut-être des choses que vous faites de manière collective qui aident à ça, ou est-ce qu'on est pas du tout sensibilisé et on fait notre petite vie sans penser... Je pense que de plus en plus il y a des initiatives collectives, mais peut-être pas encore très probant. Je sais pas. Je pense que c'est un problème générationnel, au final, c'est une meilleure obligation. Tout à ça, c'est une évidence finale. Dès qu'on est né, le problème est déjà. Parce que nos parents, ils ne sont pas du tout sensibles. Enfin, c'est pas qu'ils ne sont pas sensibles, mais ils le sont moins parce que eux, le temps où ils étaient jeunes, etc., il n'y avait pas tous ces enjeux, toutes ces crises autour d'eux, et enfin, environnemental en tout cas. Et je pense qu'au fur et à mesure, enfin, moi j'ose croire que plus ça ira, plus c'est les jeunes qui vont porter ça. Parce que l'éducation à tous au final. Bah, je suis pas forcément hyper d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où je pense qu'on a également beaucoup à apprendre des générations d'avant. Dans le sens où nos grands-parents, et encore avant, il y a eu beaucoup de collaboration, je pense qu'il y avait beaucoup de collectivité. C'était souvent par manque de moyens, souvent des grandes familles qui vivaient tout ensemble. Il n'y avait pas forcément de voiture pour tout le monde. Il y avait une économie de choses comme ça. Et ils s'en sortaient très bien. Alors bien sûr, c'était leur manque de moyens qui le faisait. Mais je pense qu'on peut, maintenant qu'on s'est libéré de tout ça, qu'on a maintenant des salaires plus importants et que c'est plus facile pour nous, les jeunes, de s'affranchir de tout ça, je pense qu'on a à apprendre de cette génération-là pour savoir comment est-ce qu'on fait ça, en fait. Parce que je trouve qu'on ne sait plus faire ensemble. On ne sait plus forcément le faire ensemble. Et je pense à tout ça, des potagers, des choses comme ça, on n'est plus trop... sensibilisé à tout ça, et je pense qu'on peut apprendre tout ça. Et c'était forcément une voiture par foyer, il n'y avait pas plus. Du coup, bah, c'est toute la question du niveau de covoiturage et de réfléchir à des petites économies de transport et de moyens. Et bien évidemment, je pense que c'est intergénérationnel et que c'est quel est le juste milieu entre tradition et évolution. Parce que l'évolution, c'est bien. Tradition aussi, mais en chacun des avantages et des désavantages, et c'est de trouver juste l'équilibre là-dedans, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est juste comme un arbre. Après, je pense que comme on disait, l'ancienne génération, c'était pas par conscience pure et dure écologique, voilà. peut-être que nous, justement, on peut s'en inspirer avec notre conscience écologique. Après, il faut le voir. Toujours l'économie qui prime, en fait, au final. Parce que je pense à Blablacar, toutes les initiatives positives, machin. Au final, c'est l'économie, c'est pas. Oui, peut-être qu'il y a une minorité des personnes, des utilisateurs de Blablacar, qui ont peut-être la conscience. Voiture partagée pour limiter machin, je pense pas que ce soit une majorité. Peut-être qu'il manque encore un petit déclic pour que cette véritable prise de conscience. Est-ce que il n'y aurait pas quelque chose à créer sur ça, de dire si le moteur c'est l'économie. Est-ce que je pense par exemple à l'Allemagne, le verre, en fait le verre a une consigne, le plastique a une consigne aussi. Et quand tu vas dans ton supermarché, et ben, tu payes ta consigne. Et du coup, tu es sensibilisé et tu sais que tu vas garder tes bouteilles parce que c'est ton argent et que tu veux recycler pour récupérer ton argent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à. Moi, je sais que dans ma ville natale, ils ont mis en place un système où en fait, chaque foyer possède une carte membre en fait. Et en fait, quand tu vas jeter des verres dans ton conteneur, tu scannes cette carte, ça te crédite des points au fur et à mesure que tu mets du verre dans ton conteneur. Au plus tu mets du verre, au plus tu crédites des points et ça te donne un pouvoir d'achat dans les commerçants de ton quartier. J'ai pas entendu parler de ça dans d'autres villes. À Bruxelles, quand tu vas déposer tes verres dans le de l'aise, c'est un carrefour en gros là-bas, tu gagnes, je crois, 10 centimes par canette, enfin par bouteille que tu jettes. D'accord. Ouais, c'est le même. Oui, c'est encore signé. C'est un début. C'est vrai que je suis étonnée de voir qu'il se passe des choses comme ça. Je sais que la ville dans laquelle je viens, c'est une petite ville. Je trouve ça dommage qu'il ne se passe pas ce genre de choses dans des villes qui ont un ampleur déjà un peu plus important avec plus de population. Parce que c'est pas notre responsabilité à nous de demander ou d'exiger des actions comme ça. Est-ce que, c'est ce que je disais, est-ce qu'on va attendre tout le temps que des actions comme ça qui se passent ou est-ce qu'on est dans notre droit de demander à ce que ça bouge? Est-ce que c'est pas de notre propre intérêt même de demander à ce que l'État gère ça au final et ça revient à l'histoire des emballages interdits? Est-ce qu'on pourrait pas dire que l'État tout d'un coup décide qu'on n'a plus le droit d'emballer en plastique dans les supermarchés et de promouvoir du coup le vrac? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à demander à ce que ce soit fait par l'État, puisque si on n'est pas capable de faire ça par nous-mêmes? Tu sais, l'Europe est responsable d'une partie très faible de la consommation de plastique comparée au reste du monde. Ouais. Enfin, très peu, même pas la moitié, même pas un tiers. C'est la Chine et les États-Unis qui se composent que les deux plus de gens. De plastique. La Chine, et il n'y a aucune règle qui applique. Il y a un vidéo, il y a un vidéo de YouTube qui est trop cool, qui parle de ça. Ils disent que c'est devenu un peu à la mode de parler de déchets de plastique tout le temps et tout. Parce qu'en fait, genre le plastique c'est pas que des emballages, genre chaque produit qu'on utilise, même les crèmes, machin, il y a des microplastiques et c'est ça qui présente un vrai danger pour l'environnement. Parce qu'en fait, ils peuvent pas les récupérer et on après on le trouve dans l'océan et ça pollue énormément les poissons. Ouais, et même le sel. Maintenant dans le sel tu vas trouver des mini cristaux de plastique. Dans le sel de table? Ouais. Ils coupent ça avec du plastique. Ouais, c'est-à-dire que si le plastique ne se dissout plus dans tout l'océan, par le cycle de l'eau, il retombe dans les eaux, dans la mer et que c'est du sel marin indirectement. Salut. Moi je suis en études sur le genre à Lyon et je travaille principalement sur les questions d'éducation à la sexualité. D'accord. Voilà, et sur comment faire une éducation à la sexualité en plus. Ouais, je rentre dans le thème convivial, c'est le thème de la soirée, ça tombe bien. On est dans le côté convivial. On parlait de ce côté-là de si que souvent c'était l'économie qui était moteur de nos actions. On parlait de BlaBlaCar, au final, oui, c'est un covoiturage, mais c'est motivé par un gain, souvent un gain d'argent. Donc la question qui se posait, c'était est-ce que il n'y a pas intérêt à ce que l'État prenne des décisions à ce niveau-là. Je pensais notamment à l'Allemagne, dans les supermarchés, quand tu achètes des bouteilles en verre, en plastique, tu as une consigne dessus. Donc oui, tu es sensibilisé au recyclage, comme ici tu l'es aussi avec toutes les belles, les plastiques jaunes dans la ville, mais en Allemagne, du coup, tu te sens obligé parce que tu te dis mince, j'ai mis c'est mon argent qui est là-dedans. Donc est-ce que, au final, ces initiatives, elles n'ont pas intérêt à être plus ou moins motivées par l'économie ? Après, quand j'étais en Suède aussi, ce qui était prégnant, c'est que parce qu'il y avait une consigne sur l'argent, ça a généré des circuits, c'est-à-dire que les gens qui étaient sans-abri ou SDF, ou juste en précarité, ils se postaient devant les supermarchés et ils disaient bah, « donnez-moi vos bouteilles en fait, au lieu de me donner de l'argent ». Et ça a généré des réseaux un peu alternatifs de faire passer les sous d'une manière qui génère aussi un peu du maintien de l'écologie et tout ça. C'est vrai, mais en France, ce qui est quand même prégnant, c'est que on ne parle pas du tout de responsabilité, on parle de culpabilisation. C'est-à-dire que sur les poubelles de verre, on dit bah, vous y mettez quand c'est vous vrai. A dit combien avec de fois des enfants dessus, avec des enfants qui vont enfin, pas dans le côté positif ouais. de ouais, et donc un autre exemple vraiment très concret là-dessus, par exemple en France, ils ont inventé ils ont déposé un brevet pour une douche qui clignote en rouge quand tu as dépensé plus de 10 litres d'eau. Dans l'autre sens, au Danemark, ils ont inventé une douche qui, au bout de 2 minutes 30, s'arrête pendant 15 secondes, qui recycle l'eau de ta douche et tu peux continuer. Donc en fait, on est vraiment sur des cultures qui sont complètement distinctes. On a le même problème et on propose une solution culpabilisante et une solution durable. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand est-ce qu'on va se mettre à... quand est-ce qu'on va se mobiliser pour faire des choses qui sont intelligentes en fait, et un peu moins... dans l'accusation et dans... En fait, on est tous conscients qu'on a fait la merde jusqu'à faire que... Ouais. En tant qu'humain, on a foiré. ça revient au problème de culture que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en France ou dans les pays nordiques, t'as deux cultures différentes, du coup on agit différemment suivant la manière dont les gens pensent en fait. En France, comme par exemple avec BlaBlaCar, pourquoi est-ce qu'on fait un BlaBlaCar ? Parce qu'on va prendre l'autoroute, que ça coûte cher, et que si on le fait, ça nous coûtera moins cher. C'est pas du tout parce qu'on veut partager, parce qu'on veut réduire le carburant, c'est plus parce que immédiatement dans ma tête, je pense je vais devoir payer 50 euros de péage, c'est un peu chiant, donc je vais prendre un BlaBlaCar, et puis voilà. Et on n'a pas du tout la même manière de penser sur la communauté, sur le partage. Mais à la base, BlaBlaCar, c'était ça. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça part d'initiatives vraiment positives. Ça devient, effectivement, c'est repris par les systèmes économiques. Mais le fait est que ça a un impact positif sur une société. Parce que tu es obligé de cohabiter dans une voiture pendant 2 heures avec quelqu'un avec qui tu n'aurais jamais parlé. En fait, ça, c'est construire du lien. Enfin, c'est assez convivial. Même si c'est régi par des trucs de bah, si je le fais, je vais pouvoir m'acheter. J'aurai 25 euros en plus sur mon compte en banque pour le mois, quoi. Et donc, ce qui compte, c'est peut-être de continuer à générer des micro-choses comme ça, comme ça, qui prennent du temps. C'est dur de changer de manière. Oui, c'est le but, en fait. Le but, c'est plutôt de s'adapter à comment les gens avancent et leur proposer des solutions qui correspondent à leur différence. Ce qui est difficile, c'est que quand tu es... Enfin, il y a tellement de différences culturelles en France, déjà. Tu peux pas te projeter à la place de quelqu'un d'autre, c'est vraiment que dans la communication que tu fais, dans l'écoute et dans la diffusion de trucs que tu vas pouvoir. Peut-être que l'erreur que la plupart des gens font, c'est de vouloir changer les gens, de changer leur manière de penser, plutôt que d'essayer de trouver des solutions avec ce qui marche déjà ou en prenant de manière concrète en considération la manière dont les gens pensent. Parce que quand tu essaies de changer en leur disant ah oui mais il faut pas penser comme ça, il faut changer, ben les gens le font pas en fait. Ils se sentent obligés et après ils finissent par faut trouver des solutions qui soient plus adaptatives. C'est ça que je disais tout le temps, enfin en tant qu'archi, on a oui la capacité d'être ouvert d'esprit et je pense que c'est pour ça, par rapport à la communication, on peut prendre les idées de tout le monde et les rassembler et donc voilà, pas changer les gens, mais essayer de faire évoluer les choses dans leur sens tout en les amenant à notre finalité. Après ça c'est ça dépend de chacun, tout le monde peut être capable de ça, faut juste que les gens soient un peu plus ouverts d'esprit et voient un peu plus loin que leur confort personnel. Du coup, qu'est-ce que concrètement, pour être un peu dans le positif et de savoir comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce que concrètement on pourrait, je sais pas, même au sein au sein de l'école d'archi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, même au sein de la ville, qu'est-ce que concrètement, comment est-ce qu'on peut se mettre en réseau en fait? Est-ce qu'il y a des initiatives qui... Bah, écrivez tous dans la revue Esperluette, par exemple, n'hésitez pas à. Même si vous n'êtes pas fier de votre texte à proposer des trucs. Enfin voilà, le but de ce genre d'initiative, c'est qu'il y ait un espace d'expression qui soit un peu plus libéré que les espaces habituels et où on puisse. Enfin, si vous n'avez pas envie de proposer des textes, vous pouvez proposer des images, vous pouvez proposer des projets. Enfin, on n'est pas. Il n'y a pas du tout de restriction en termes d'expression. Le but, c'est que justement. Vos idées qui correspondent ou non au thème, enfin, c'est à vous de dire ce thème je le trouve naze. Moi ce qui m'intéresse c'est pas l'urgence et la convivialité, mais c'est je sais pas moi, environnement et convivialité ou environnement et conception. Enfin, c'est à vous de vous emparer du truc et de pouvoir le faire. Mais par exemple, là ce que tu fais maintenant, tu travailles sur. Comment t'as dit L'éducation à la sexualité. Voilà, l'éducation, ouais. Et ben juste tout ça, enfin, travailler sur comment tu peux communiquer avec des gens qui n'ont pas ton âge, pas ta culture, pas ton éducation, sur des choses qui sont. C'est de l'urgence, c'est de la convivialité, hein. Attends, j'ai peur. Sur des choses qui. Merci pour la vidéo, hein. Franchement, faudra pas faire ça. Sur des choses qui sont taboues, qui sont vraiment de l'ordre de l'intime et aussi qui sont vraiment de l'ordre de la culture. Sur la culture familiale ou la culture religieuse ou la culture populaire. Mais enfin, il y a plein de choses à faire et je pense que chacun à son échelle peut agir. Et en tant qu'archi, bah, faites des projets. Faites des projets engagés, tu vois. Je sais pas. C'est pour qui tu fais le projet, comment tu fais le projet, comment il se positionne. En fait, c'est marrant ce que tu as dit parce que je m'en suis rappelée à la conférence où j'avais été au Cambodge sur justement la green economy. Elle disait que le point un peu central de ce système qui permettait que ça fonctionne bien, c'était la mise en réseau en fait. C'était le fait de connecter tout le monde ensemble et c'était ça qui faisait un peu la force de ce système. C'est que tout le monde communique avec tout le monde et de mettre tout le monde en réseau avec tout le monde. Et après, bon, je ne me souviens plus trop des détails, mais en gros, c'était ça. Elle disait que le réseau et la communication entre chaque individu et chaque domaine, c'était ça qui faisait un peu la force de. Parce que chacun communique avec tout le monde et chacun apporte quelque chose, chacun collabore, ce qui fait qu'on arrive à mieux avancer comme ça. Parce que je pense que la solution c'est pas de s'isoler par thématique, c'est là je trouve ça bien avec quelqu'un qui travaille sur les genres, c'est parce que tout ça reste des thématiques d'urgence, de convivialité, c'est des choses qu'on doit aborder, donc ça reste une question sociale aussi j'imagine, donc c'est bien de pouvoir partager, je pense que c'est le point le plus important, c'est trouver des lieux où pouvoir discuter avec les gens sur tous les sujets, de tous les domaines. Et pas juste rester fermé en tant qu'archi, parce que je pense pas qu'en tant qu'archi seul, archi-ingénieur, on puisse changer les choses, changer le comportement. Il faut vraiment qu'on rencontre des gens de tous les domaines, que ce soit artistique, sociologie, enfin, je pense que c'est faut vraiment ce genre, c'est des espaces qui doivent se développer pour pouvoir discuter. Mais je pense à la mise en réseau, un truc tout simple, les réseaux sociaux. Enfin, je sais si vous avez vu toute l'initiative de On est prêt qui proposait des défis tous les jours pendant un mois. Et donc il y avait 30 ou 31 défis à réaliser et des petites initiatives. Bon, là du coup on était sur des initiatives individuelles, mais qui au final étaient collectives parce que ça avait touché un nombre, je sais plus, mais il y a des personnes qui s'étaient abonnées, mais c'était énorme, c'était des choses toutes simples. Mettre juste un petit autocollant stop pub sur ma boîte aux lettres. prendre un sac, pas en plastique, mais recyclable. Réutiliser, enfin, c'est une chose simple. Est-ce que on n'a pas intérêt, notre génération, à s'appuyer sur des initiatives comme ça et ils avaient lancé du coup l'affaire du siècle, c'est ça, l'affaire du siècle, oui. où on demandait expressément aux États de prendre des mesures drastiques pour l'urgence climatique. Et ça avait été signé par plus d'un million de personnes. Enfin, c'était quelque chose d'énorme. Et du coup, on avait un poids tous ensemble et il y avait quelque chose qui s'était créé à ce niveau-là. Donc je pense que effectivement, le plus important, c'est la mise en réseau et c'est de. Mais pas forcément du coup à l'échelle d'un pays, même je pense à l'échelle d'un quartier, c'est très, très porteur d'idées positives. Je suis persuadée que c'est. Je suis très fan des potagers de ville. Et ça marche bien. Et toutes les villes qui l'ont proposé, c'est quelque chose qui marche bien. Je pense que le vivre ensemble est parfois compliqué, on s'en rend compte dans l'habitat participatif. Mais je pense que le partager des choses ensemble est vecteur de projets forts et d'initiatives fortes pour l'urgence dans laquelle on est actuellement. Et tu vois, là, sur l'échelle de l'habitat, au niveau de d'habiter ensemble, de cohabiter, de coexister et tout ça. Du coup, moi, pour le PFE, là, pour le projet de fin d'études, je travaille sur un projet de cohabitat, genre pour des gens qui vont être à la retraite dans 5 ans. Ouais. Et en gros, ce qui vient en tant que problématique du projet, c'est comment on va cohabiter avec quelqu'un qui a besoin d'être dépendant, ou de l'interdépendance qui se crée entre les habitants, et où. À quel moment tu acceptes ou pas d'aider quelqu'un. Donc effectivement ça peut être ton ami, mais peut-être que si toi-même t'as 85 ans, t'as pas envie d'aller aider quelqu'un qui en a 87 et qui en fait est beaucoup plus handicapé que toi, enfin qui est dans des situations de handicap plus sévères et tout ça. La réponse un peu spatiale qu'on a trouvée avec les habitants, c'est de dire en fait on va travailler sur un habitat qui s'adapte autant dans le vraiment dans la configuration des pièces et des espaces que dans des réponses aux situations de handicap. Et donc je pense que même dans les. Enfin, il me semble que même dans les espaces publics et dans les espaces comme ça, ce qui compte, c'est que ça s'adapte, donc ça réagisse aux situations qui changent, aux personnes qui arrivent. Et c'est très clair, enfin, dans les espaces qui sont tiers-lieux, ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'on a un espace qui est complètement accessible, par exemple, au rez-de-chaussée. On a un espace en haut pour des gens qui travaillent d'une autre manière. On peut fermer. Enfin, il y a toute cette flexibilité de la spatialité qui permet de répondre à différents besoins, différents usages, différentes personnes. Et c'est un peu ça qu'il faut faire à chaque échelle de la société pour pouvoir intégrer le plus de gens possible et que ça fonctionne comme une chose. Enfin, je vois pas comment tu peux projeter quelque chose sans te dire on va le faire pour tel type de public et tous les autres publics vont être exclus du truc. Et ça marche aussi pour tout ce qui est communauté, LGBT, tous les trucs comme ça. En fait, il faut que ce soit des espaces qui soient, ou bien qu'ils soient exclusifs, et dans ce cas-là, qu'ils soient très très, soient très spécifiques et qu'ils soient très adaptés à telle population, ou bien qu'ils soient inclusifs et qu'ils, dans ce cas-là, soient adaptables. Et il me semble que le concept de convivialité, c'est l'adaptabilité des espaces en fait, et de notre environnement physique. De l'être humain. Oui. Je pense que chaque être humain devrait être capable, si on veut avancer, de s'adapter déjà en fonction des besoins, de ce qui va se passer dans le futur, et juste par rapport à autrui, pour que les relations se passent bien. Oui, mais tu vois, genre moi, à une échelle personnelle, je sais que m'adapter, ça ne bouge pas. Enfin, oui. Je m'adapte, et au bout d'un moment, je suis là, en fait, ça me tue. Tu ne veux pas t'adapter. Ça ne correspond pas à ma personnalité, ça ne correspond pas à mon mode de vie. Je ne peux pas continuer, tu vois, par exemple, à partager cet espace avec quelqu'un que je ne plais pas, ou je vais plutôt aller là-bas. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a une place pour l'autre et pour moi, et qu'il y ait aussi des espaces où on puisse communiquer, où ce soit neutre en termes d'engagement vers une croyance ou une autre, une personnalité ou une autre, ou une culture. Ton intimité. Ouais. À l'échelle de la vie, c'est clair, mais oui, tu vois, même à l'échelle d'un espace comme ça, Là, par exemple, on s'est dit au début qu'il y avait trop de bruit autour et que du coup, enfin, l'autre bout de la table, on ne pouvait pas s'entendre. Bah, je suis sûre que la prochaine fois, on pourra avoir un endroit peut-être plus calme dans le même espace. Il suffit qu'on en parle avec le mec. Et, enfin, il y a tellement d'espaces différents possibles que, enfin, il y a vraiment une adaptabilité de l'espace qui est ouf. C'est cool. Voilà. Je suis fan de ce lieu. Vous avez remarqué. Voilà. Est-ce que ça s'essouffle un petit peu? Merci à toutes d'être venues.